grand-père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Raphaël Giordano et je vais vous raconter l'histoire du pays des Touis. Non. Il était une fois deux inséparables jumeaux. La fille s'appelait Gredine et avait les cheveux d'un brun presque grenadine. Le garçon s'appelait Taquin à cause de son caractère, espiègle et malin. Tous les deux s'entendaient si bien qu'on les disait être comme les doigts de la main. Ils coulaient ensemble des jours heureux. Enfin, sauf les jours des mamans non. Non, non. Les mamans non, c'était quand leur maman disait non, alors qu'ils avaient envie si fort qu'elles disent oui. Les mamans non étaient pour eux quelque chose de terrible, comme des petites fléchettes de déception qui les atteignaient en plein cœur. Oh, s'il te plaît, maman. Par exemple, quand ils allaient à la boulangerie et que les bonbons leur faisaient de l'œil derrière la vitrine, si tentateurs avec leurs jolies couleurs et leur goût réjouissant, ils réclamaient d'abord gentiment. Maman, s'il te plaît. Juste quelques bonbons. S'il te plaît. Arrivaient alors les premiers mamans non, plutôt doux et fermes. Non, non, non, c'est bientôt l'heure du dîner. Gredine et Taquin insistaient, pleuraient, tapaient du pied. Mais rien n'y faisait. Les mamans non tombaient implacablement. Non. Quand c'est non, c'est non. Non. Gredine et Taquin aimaient beaucoup leur maman. Mais ils haïssaient vraiment les mamans non. Ils trouvaient cela si injuste d'être privés de quelque chose qui aurait pu leur faire tellement plaisir. Puis vint ce jour de corvée des courses dans un hypermarché. Interminable. Alors, une fois arrivés dans l'allée des peluches, Gredine et Taquin en voulurent une à tout prix. Mais les mamans non furent sans appel. Fatiguées et fâchées de leur comportement, leur maman décida de les punir dans leur chambre une fois à la maison. Ils se retrouvèrent donc seuls à ruminer leur déception et frustration. Ils se mirent à taper sur leurs coussins, à jeter leurs jouets au loin. Au bout d'un moment, épuisés, ils s'allongèrent tête bêche sur le lit. Tout à coup, quelque chose de bizarre se produisit, comme si leur lit se mettait à flotter dans les airs, d'abord un peu, puis de plus en plus. Stupéfaits, ils n'eurent d'autre choix que de s'accrocher et de se laisser emporter par leur matelas volant. Gredine et Taquin traversaient à présent les nuages à grande vitesse et profitaient d'une vue époustouflante sur l'océan. Bientôt, une île fut en vue. Le matelas commençait à piquer pour un atterrissage. Quel soulagement une fois le lit posé au sol. Les yeux écarquillés, ils découvraient autour d'eux une île paradisiaque. Ils furent bientôt entourés d'une nuée de petits enfants charmants qui irradiaient de bonne humeur. La foule se fendit pour laisser passer un personnage imposant, à l'évidence, le grand chef. Bienvenue au pays des Touis, pour les enfants, le paradis. Gredine et Taquin se regardaient sans comprendre. Le pays des Touis? Le grand chef, tout souriant, leur expliqua qu'au pays des Touis, les grands disaient toujours oui à tout ce que voulaient les enfants. En effet, ça doit être le paradis, songèrent alors Gredine et Taquin, enchantés. Profitez bien de votre séjour parmi nous. Et pour vous servir de guide, voici Fleur. Une ravissante jeune fille s'avança vers eux, un grand sourire aux lèvres et d'adorables fleurs blanches dans les cheveux, sûrement ce qui lui avait valu son surnom. Vous pouvez lui demander tout ce que vous désirez et vous serez exaucé, ajouta le grand chef. Gredine et Taquin n'en revenaient pas et avaient hâte de commencer à visiter un pays si merveilleux. Par-delà la montagne sacrée, Je connais une plage à l'eau délicieuse. Voulez-vous aller la voir ? Oui, oui, oui, s'exclamèrent les deux enfants. Alors, ils suivirent Fleur jusqu'au rivage et découvrirent en effet une plage incroyable, avec son eau bleu lagon qui donnait si envie de se baigner. Ils se jetèrent dans l'eau sans attendre et se mirent à jouer, s'éclabousser, rire à gorge déployée. Quel bonheur de s'en donner ainsi à cœur joie. Chaque heure, Gredine et Taquin demandaient « Dis, Fleur, est-ce qu'on peut continuer à se baigner ?»« Mais oui, » répondait-elle inlassablement, « autant que vous le voulez. » Puis le jour se mit à décliner. Gredine et Taquin avaient la peau des mains toutes fripées et leurs lèvres devenues bleues. Leur maman leur aurait dit depuis bien longtemps de sortir de l'eau. Mais ils avaient beau guetter un signe du côté de Fleur, aucune consigne n'arrivait. Grelottant, ils finirent par sortir de l'eau par eux-mêmes et ne se firent pas prier pour mettre fin à cette journée. Après un bref dîner, ils s'endormirent aussitôt. Le lendemain matin, ils se réveillèrent en pleine forme et très excités d'avoir la chance d'être au pays des Touis. Fleur les attendait pour leur faire passer une journée sensationnelle. « Ça vous dirait de visiter le village aux 1000 sucreries ?» Taquin ronchonna. « Bof, j'aime pas trop les visites. Même quand les paysages se mangent comme des bonbons ?» Évidemment, Fleur avait de bons arguments. Une fois sur place, quel ravissement ! Partout, des bosquets de bonbons, des talus de barbe à papa, des arbres pommes d'amour. Et là, une cascade de soda pétillants à laquelle on pouvait se servir à volonté. Gredine et Taquin, habitués à devoir taper des pieds pour obtenir ce qu'ils voulaient, se tournaient sans cesse vers Fleur pour réclamer « Est-ce qu'on peut goûter ci ? Est-ce qu'on peut goûter ça ?» Et Fleur répondait toujours oui. Gredine et Taquin, tout à leur bonheur de pouvoir profiter de tant de liberté, se mirent à manger tout ce qui leur tombait sous la main, sans que Fleur ne dise rien. Et voilà qu'en fin de journée, ils commencèrent à se sentir barbouillés. Ils devenaient même tout verts, comme un petit pois pourri ou un extraterrestre mal luné. Oh, quelle horrible sensation ! Voilà leur plaisir envolé. Gredine et Taquin se couchèrent avec mal au cœur et songèrent qu'ils auraient bien aimé que leur maman soit là pour mettre sa main chaude sur leur ventre trop gonflé. Néanmoins, après une bonne nuit de sommeil, les deux jumeaux se réveillèrent contents d'être toujours sur l'île des Touis. D'autant que Fleur leur avait prévu une nouvelle merveilleuse journée à la caverne de l'ours bleu. « Un ours bleu ?» s'exclama Gredine d'une voix suraiguë de surprise. « Oui, » répondit Fleur simplement, « vous allez voir. » Et en effet, ils arrivèrent peu après au pied de la grotte, où un ours bleu les attendait, accoudé à un rocher. Les deux jumeaux n'en revenaient pas. L'ours ressemblait à une peluche vivante de 2 mètres de haut, et son pelage bleu était si doux qu'on avait envie de se rouler dedans. L'ours bleu les invita à entrer dans sa caverne, où il n'y avait ni or ni joyaux, mais des milliers de jouets du sol au plafond. Des merveilles à n'en plus finir. Gredine et Taquin, sans arrêt, se retournaient vers Fleur pour demander son autorisation. « Est-ce qu'on a le droit de jouer avec ci et avec ça ?»« Oui !»« Oui ?»« Oui, oui, oui !» répondait inlassablement Fleur avec un adorable sourire. « Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez !» Les yeux brillants de bonheur, les deux enfants se précipitèrent sur les jouets. Ils voulaient tout essayer, tout emporter. Ils n'avaient pas assez de mains. Alors, Fleur leur fournit des brouettes. Mais même avec des brouettes, ils avaient du mal à tout transporter. C'était trop lourd. Essoufflés, désemparés, ils finirent par s'arrêter et tomber fesses à terre, ne sachant que faire de cette pile de jouets monstrueuse. Autant de jouets d'un coup leur avait presque coupé l'envie de jouer. Finalement, ils décidèrent de délaisser les brouettes pour aller faire tous les deux une bonne partie de cache-cache. Une fois de retour au campement, Fleur leur annonça que cette nuit serait leur dernière au pays des Touis. mais nous avons organisé une veillée extraordinaire en votre honneur, ouais, dit-elle. Rodine est à 15 sautères de joie. Une veillée où il pourrait se coucher aussi tard que les grands? Oui! Oui, oui, oui, aussi tard que vous voudrez, répondit Fleur, sans jamais se départir de son charmant sourire. Toute la tribu des Touis s'était réunie. Ils commencèrent à danser et à chanter autour du splendide feu de joie. Gredine et Taquin prenaient tant de plaisir à se mêler à eux. C'était si excitant de tout faire comme les grands, au début du moins. Mais plus les heures passaient, plus leurs petits yeux piquaient jusqu'à faire mal. Ils se tournaient vers Fleur pour demander s'ils pouvaient continuer à veiller. « Oui, oui, oui, aussi tard que vous voudrez !» Alors, ils continuèrent à danser et chanter autour du feu avec les adultes. Leur tête commençait à tourner de fatigue. Et ils songèrent finalement que ce n'était pas si agréable de veiller aussi tard. Et que même, ils aimeraient bien pouvoir aller enfin dormir. Ils sombrèrent d'épuisement à même le sol avec l'arrivée de l'aube. À leur réveil, ils se retrouvèrent de nouveau cramponnés à leur matelas volant, les yeux ébouriffés par le vent et tout bouffis de sommeil. Allaient-ils être bientôt de retour chez eux? Quand le lit finit par atterrir dans leur chambre, ils poussèrent un cri de soulagement. Avaient-ils rêvé? Ou bien le pays des Touis avait-il vraiment existé? « Tu en as rêvé, toi ?» demanda Gredine. « Oui, et toi ?» demanda Taquin. « Si on en a rêvé tous les deux, c'est... »« Que ce n'était pas un rêve !» s'exclamèrent les deux jumeaux en cœur. À ce moment-là, leur maman entr'ouvrit la porte de leur chambre. « Ça y est, vous êtes calmés? Vous allez venir dîner sans bouder les légumes ?»« Non !»« Non aux légumes ?» demanda la maman. « Non, enfin, on veut dire oui !» On dira oui aux légumes. Et après, vous irez vous coucher sans faire d'histoire? Non, enfin on veut dire oui, oui, on ira se coucher sans discuter. Et si je vous demande un gros câlin, là maintenant, vous n'allez pas me dire non? Non, enfin... Ils éclatèrent tous les trois de rire, car les jumeaux avaient dit un non qui voulait dire oui. Oui! Mais le plus important, c'est qu'ils avaient compris la leçon que le non avait du bon. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Bah, oui, oui, oui. Non, non. Ah, si. Oui. Oui. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.